Oui, que préfères-tu, ma chérie, devant ce barbecue si ardent? Oui, ben j'ai de la Toulouse. Oui, j'ai de la saucisse qui sent saucisse. Ça, c'est une nouvelle recette de monsieur Mondou. C'est de trop lui donner d'honorance. Honorance, qui vient de honorer. Pas gonorrhée, honorer. C'est pas une maladie, celle-là, là. Gonorrhée, oui, mais pas honorer. On peut honorer tous les gens que l'on aime. Et ce serait magnifique, avant leur mort. Pourquoi attendre ce moment où personne, c'est cette personne-là là, qui est pas là, qui n'est plus présente sur Terre, pourquoi lui rendre hommage? En fait, c'est pour faire plaisir aux terriens qui, eux, ont été tellement bouleversés par la carrière de l'artiste. Quoi tu dis ça? Je sais pas, c'est une ouverture quand même, mais hey! Aujourd'hui, le lundi 6 février 2023, monte le volume et hume la différence. Car c'est parti, mon kiki. Oui. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Répondez pour l'amour de Dieu. Qui annonce?

Donc, je me suis effacé un peu aujourd'hui pour vous laisser cet être nous enchanter. Et... Merci. C'est un succès! Ça mène à la création. J'ai dit motivité. Moi, t'éviter de dire ça la prochaine fois. Faites-en pas, ma petite chérie. Là. Voyons donc, toi, t'es bien cornemuse actuellement. La semaine dernière, j'ai parlé de cornemuse. Hein. Ça fait longtemps que c'est un instrument maudit. Maudit, maudit. Mais c'est pas une maudite cornemuse. Hein. Il faut respecter. Mais jamais dans mes disques, je vais mettre de cornemuse. Pour deux raisons. La première, vendre mon disque. Et deuxièmement, ne pas faire saigner les oreilles. Oh, ça fait... Ça réveille le tympan. Ça nous réjouit. Ah. Violon. Ça, bagel. Je vous adore. Merci, merci mademoiselle. Mais merci. On a jasé ton père puis moi, puis on croit que c'est le temps que j'aille te parler. On te regarde aller, ça peut plus continuer comme ça. T'es plus le garçon que j'ai si bien élevé. Tu foxes tes commencer à fumer, puis tu m'aimes dire qu'est-ce qu'on veut faire de toi.

t'aimerai quand je serai mûr, je t'aimerai en cure. Quand je serai mûr, je t'aimerai en curé. Quand je serai mort, quand je serai mort, quand je serai mort, quand je serai mort, je t'aimerai en. Quand je serai mort, je t'aimerai en cœur. Et quand je serai mûr, je t'aimerai en cure. Quand je serai mûr, je t'aimerai en curé. Quand je serai mort, quand je serai mort, quand je serai mort, quand je serai mort, je t'aimerai. Dans un cercueil de métal, ce ne sera que des tailles, les deux pieds devant. Encore plus qu'avant, dans un cercueil de pierre, ce ne sera que chimère, quatre poches de bois vert. J'aimerais même six pieds sous terre, six pierres soutées, six pieds sous terre pour ma mise en bière, six pierres soutées, yeah, yeah, ah. Quand je serai mort, je t'aimerai en quart. Quand je serai mort, je t'aimerai en cœur. Et quand je serai mûr, je t'aimerai en cure. Quand je serai mûr, je t'aimerai en cure. Et quand je serai mort, quand je serai mort, quand je serai mort, quand je serai mort, je t'aimerai encore. On disait des chars. Une voiture, c'est un char. Oui. OK, un char. Hey, t'as-tu vu mon char? Je me suis acheté un char. Bon. Mais char, là, ça vient du mot car. Avec la joie, ça a été modifié car, char, char, car, char. Sors ton char. Avec la joie. Avec la joie. Sors ton char, on va aller faire. Attends un peu. On va aller faire une promenade en char. Oui, parce que j'adore Lisa Leblanc. Ah, Lisa, oui. Et elle a une chanson sur le char. Oui, premier album. C'est très drôle, c'est quoi? C'est son mec qui la quitte et en plus il s'est barré avec la bagnole. Oui, avec la bagnole, ouais. Ouais. Dans mon char. Ouais. Où la vie c'est de la merde, là. Ouais. Ça, ouais, c'est... Et là, elle a sorti son chiac disco. Oui, oui. Ah, tu connais? Ouais. Ouais. Ouais. Mais tu sais que je l'ai même vu, je l'ai vu en concert à la Maroquinerie à Paris. Ouais. Et il y avait quand même toute la communauté québécoise de France et d'Allemagne. Et d'Allemagne, ouais, c'est ça. Il y avait, enfin, c'était drôle, quoi. Parce qu'il chantait, c'est ça? Ouais. Ah ouais, c'est ça, ben oui. Ouais, et puis bah. Il y avait de l'accent comme, là. Bah oui. Il y avait de l'accent, ouais. C'est comme n'importe quel, bah voilà, tu fais un spectacle de danse ukrainienne, ah oui. C'est pas un bon exemple, mais de danse bulgare, ouais, et bah, t'as toute la communauté bulgare qui vient. Je suis allé voir Bernard Lavilliers au Festival d'été il y a longtemps. La première partie, c'était Manu Dibango. Ouais. La communauté Manu Dibango était en avant, là. Puis quand Bernard Lavilliers a commencé, toute la panoplie de Manu Dibango sont partis. Il y avait le batteur, l'incroyable, comment il s'appelle donc? Manu Katché. Manu Katché qui était là. Je les ai vus, je l'ai vu aussi avec les Rita Mitsuko. Ouais. Tourner No Comprendo. Ah ouais, il a joué avec Sting, il a joué. C'est un superbe. Mais d'ailleurs tu dis, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire à la télé? Que Florent Pagny passe dans The Voice ou je sais pas quoi. Oui. Oui, parce que sa carrière, elle est quand même en dents de scie et puis qu'il a besoin de continuer à racheter des terres en Argentine comme il fait si bien. Il a qu'est-ce besoin avec de ça? Pas payer ses impôts. Ok, ok, pour blanchir de l'argent. Ben je pense que c'est vraiment un truc très écolo. C'est-à-dire que ben, tant que ça m'appartient, ça appartient, c'est pas, ils vont pas faire une route, ils okay, vont pas couper des arbres. Ouais, c'est super. Ok, parce que je pensais que tu parlais de ça avec ironie. Non, non, non. Ok, ok, ok. Mais tu vois, Manu Katché, il a pas besoin de. Ouais, c'est. Je pense que la soif de reconnaissance de la champlure est inétanchable. C'est-à-dire qu'une fois que tu as besoin de. Bah c'est vrai que bah c'est quand même un batteur de jazz au départ. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais quel homme, il est rendu sans doute à 70. Hein? Il était aussi avec Mano Negra, à ouais. Un moment donné. Oui. Hein? Ah ouais. Moi, quand je l'ai vu, c'est... il est né avec ça entre les mains. Hein? C'est... Oh. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ouais. Ah, il fait beau aujourd'hui. C'est bien, hein? C'est pas trop humide. Ouais, puis il est pas trop chaud. C'est ça, c'est pas humide. Parce que Paris, quand il fait trop chaud. Ouais, ouais, ouais, c'est ouf. Ouais, ça plombe. Ouais. Mais ça, c'est partout aussi. Quand il fait chaud, il fait chaud. Ouais. Ouais, mais, ouais, c'est vrai qu'en en Lorraine, c'est très humide et t'as l'impression d'être au Vietnam quoi, quand il fait 32. Québec aussi. Québec aussi. Ouais. Très, très assez lourd. Bon, quand est-ce que tu m'invites? Où ça, Québec? Ben, moi, je voudrais juste trouver. Non, ben, je plaisante, hein, mais. Ouais. Je voudrais juste trouver une date. Même pas, ça me rembourse le billet de train, tu vois. Je veux bien le payer, mais je rêve d'y jouer depuis. Mais là, ça, si tu viens à Québec en train. C'est plus long. Oui. Oui. Ouais, tu vois, trouver une date qui me met le pied à l'étrier où le gars il me dit je te donne 200 dollars. À Québec? Ou même 50, je m'en fous, tu vois. Ouais. Ben, il y a des salles. Ça me donne envie, tu vois. Ouais. Ben, il y a l'antibar. Pensez en autre, l'antibar à Québec. Ouais, tu vois, des petits cabarets. Là que Bertrand Belin a fait son spectacle. Il finissait à l'Olympia. Deux semaines après, il faisait l'antibar à Québec. Ah ouais. L'antibar, c'est 250 places. Ah, c'est grand. Ben, 250 places debout, pas assez. Ah ouais. Ben, c'est grand. Après ça, il y a... Même si c'est des bars, c'est des cafés, tu vois, je m'en fous. Ben, c'est un bar, ça, l'antibar. Ah ouais. Ouais. C'est, il y a beaucoup de musique punk, rock, franco... Après ça, il y a des cafés, mais il faut avoir un permis de travail. Ben oui, le permis de travail. Oh merde. Ah ben oui. C'est comme les musiciens noirs américains qui veulent adhérer au syndicat et avoir leur carte. Ouais. Non, mais quand tu passes à Québec pour travailler, pour faire des spectacles, tu dois avoir ton visa de travail. Mais il paraît que les étudiants français, quand ils vont là-bas, ils doivent justifier de... Leurs parents doivent dire « on gagne tant d'argent », machin. Ah ouais. C'est très difficile. Ah ouais. Une forme de protectionnisme. Quoi. Ouais, et puis je crois que chaque pays est comme ça. Puis en même temps... Au moins c'est clair, hein. Nous on est beaucoup plus hypocrites en France. Non mais nous, comme regarde l'île d'Orléans, qui est à côté de Québec, l'endroit où Félix Leclerc est mort, puis a vieilli, ben là c'est le temps des fraises. Alors, comme il n'y a pas un Québécois qui veut ramasser des fraises parce qu'on est des lâches, on demande aux Cubains de venir récolter nos fraises. Eux travaillent à peu près 5-6 mois par année, puis ils ramènent leur argent, ils retournent à Cuba pour nourrir leur famille. Ah ouais. C'est fou, hein? Toi, tu disais que tu avais un métier à côté? Ben oui, moi ça fait longtemps. Moi, je suis rendu... ben, ça fait 8 ans, je suis... Je gère, entre guillemets, parce que je travaille de soir, donc je suis gérant de soir dans un marché. D'accord. Avant ça, je travaillais de nuit. J'ai travaillé 30 ans de nuit dans un SO, Imperial SO, essence. D'accord. Et j'étais travailleur de nuit, puis c'est là que CKRL elle se trouvait de l'autre côté. La directrice de la programmation, qui ne l'était pas à l'époque, qui animait une émission du matin, me voyait à chaque matin, puis les clients sortaient avec un rictus, puis elle entendait que j'avais beaucoup de... C'est pas goût. Ouais, c'est ça, j'avais... Du mot. Ouais, du mot, mais aussi... Du sarcasme. Non, pas juste sarcasme. Ben oui, ben j'avais tout ça, puis que, en fait, ce qu'elle voulait, c'est que je lui présente une chronique. Mm-hmm. Ben là, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux, de quoi veux-tu qu'on parle? Elle dit, n'importe quoi, carte blanche. J'ai appelé ça aux quatre coins des mots et des idées. Ouais. J'ai commencé par parler de cercueils. Ma première émission, c'était sur les cercueils. Comment acheter son cercueil? Génial. Combien? Ouais. Et, c'est un achat important, ne vous trompez pas. Vous n'aurez pas droit à l'erreur. Non, exactement. Mais moi, j'ai toujours dit, en plus, pour brancher un peu la radio, j'ai dit, idéalement, choisissez le tombeau Radio FM. Hein. Puis c'est synthonisé sur CKRL. Alors pendant toute votre mort, vous allez écouter CKRL. et puis c'est long, la mort, il paraît. Ouais. Mmh. Mmh. Et puis après ça, ben, cette fille-là, elle a abandonné le travail. Ben, en fait, on lui a offert la direction de la programmation. Ah ouais. Et là, ben là, à mon planchant, elle m'a dit, là, regarde, là, t'as une chronique avec moi le vendredi. Je finissais de travailler, puis j'allais faire ma chronique. Là, puis j'avais aussi chronique, puis une petite chanson là, que je plaçais là. Puis la première chanson, c'était, je me souviens très bien, c'était notre ami, celui qu'on n'a jamais vu, là. Monsieur le directeur général, je vais avoir besoin d'un congé. Ah, disons que c'est pour raison familiale. Non, c'est pas la santé. Et à mon retour, précisément, j'aurai besoin d'horaires aménagés. Oh, à mi-temps, à 60%, puisque je vous dis que c'est pas la santé. Ah ben non, c'est pas contagieux, puisque c'est pas une maladie. Ouais, éloignez-vous un peu. On sait jamais avec ces saloperies. Même si je dois rester au lit 8 heures par jour, voire un peu plus. Non, c'est pas une maladie, même si c'est remboursé par la sécu. Non, c'est pas un handicap, même si je marche un peu en canard. Non, c'est pas mon mari qui me frappe, chercher ailleurs ou autre part. On pourrait croire, mais je ne suis pas morte. Je ne fais pas une croix sur ma carrière. Non, vous pouvez pas me foutre à la porte. Pas plus d'ailleurs qu'à la fourrière. Je ne suis pas un chien qu'on pique. Et pour ma carrière, c'est très bon. Christine Aron est devenue championne olympique après sa première parturition. Ça va bien, je vous remercie. Non, c'est pas une maladie, une convalescence feinte. Je suis en c'est pas des jumeaux, non, je n'accouche pas demain, non, je ne suis pas d'info, non, mais dites donc, ça vous regarde pas, hein, non, je ne suis pas pleine comme un œuf, non, pas enceinte jusqu'aux dents, non, y en a qu'un, pas deux, ni quatre, ni neuf, cessez de regarder mon décolleté, c'est intéressant! Je ne l'ai pas clamé à toutes les ruelles, dans le moindre couloir, mais six mois passés, ça sautera aux prunelles, carrément ostentatoire, comme un secret de polichinelle. De polichinelle dans le tiroir. C'est pas une maladie, oh, ça va bien, je vous remercie. Non, c'est pas une maladie, une convalescence feinte. Je suis enceinte. Gérard Marceau. Ah oui. Et donc. Ouais, ça peut tomber. Hein. Moi, on va la mettre un pied plus près. Et puis là, après ça, ben, elle m'a dit, écoute, je te propose, tu me proposes une émission, puis tu me dis à quel endroit tu la veux sur la grille horaire, puis je te laisse carte blanche. J'ai dit, OK, le samedi de 16 à 18. Ah, moi, j'ai dit, OK. Puis là, après ça, j'ai dit, moi, j'aime bien hein, l'improvisation, j'aime bien aller un peu partout. Donc, errance, hein, marcher sans aucun but. L'errance m'est revenue après. Oui, errance rénadienne, parce que mon prénom c'est rénal. Mais l'errance m'est revenue en pleine gueule quand ma mère a eu l'Alzheimer. Parce qu'on appelle ça de l'errance nocturne. Les personnes qui souffrent d'Alzheimer font de l'errance nocturne. Ah ouais. Puis, pas ça du somnambulisme. Non, c'est de l'errance nocturne. Mais non, c'était Alzheimer. Ah ouais. C'est de l'errance nocturne. Tu marches, puis tu sais pas où tu vas. Et donc, le nom de mon émission m'est revenu en pleine face pendant la maladie de ma mère. Et donc, c'est ça. Et c'est parce que je travaillais là, j'ai travaillé 30 ans. J'ai ouvert la boutique, puis je l'ai fermée. C'est génial comme anecdote de voir les clients sortir. Enfin, elle avait vraiment le nez, quoi. Oui, mais c'est parce que... Les clients sortir oui, de la station-service. Oui, exactement. Du coup, t'as plaqué ton job à la station-service. Ben non. Non. Ben non, parce que c'est bénévole, mon truc. Non, mais l'histoire, c'est ça. Non, mais l'histoire, là, c'est que quand elle venait chercher ses journaux pour son émission du matin, ouais. OK, pour faire sa revue de presse, puis bon, un peu son Guy Bedos, là. Ouais. Elle ne doit même pas le connaître, mais peu importe. Mais elle attendait à la queue. Donc, elle voyait que j'avais le sens de la répartie, puis elle voyait que je faisais rire les clients parce qu'il arrivait n'importe quoi, même ça pouvait être la manchette du journal qui m'allumait ou peu importe. Et là, à un moment donné, ben, elle a dit ben, « j'aimerais ça que tu fasses une chronique ». Il n'y a aucun problème, on va la faire. On va la faire. Mais quand j'avais 18 ans, j'ai commencé à faire de la radio CKRS, j'avais 18 ans. J'étais tellement nerveux, là, je faisais ma propre mise en onde. Je me coupais, je parlais, puis je pressais par nervosité sur le bouton, puis il n'y avait plus de micro. Avec les années, on est moins nerveux. C'est bizarre, hein? C'est comme les enfants. Les enfants peuvent monter sur scène, faire quelque chose, puis ils n'auront pas le trac. Puis plus on vieillit, plus on est conscient. Oui, c'est vrai. On voit l'ampleur de... C'est long, mais j'ai écrit des chroniques radio aussi, mais personne n'en veut. Ah oui, mais offre ça à une radio libre. Ben, c'est ce que je fais, c'est ce que je faisais, c'est ce que je fais. Tu fais ça chez toi? Ouais, je fais ça en direct dans la radio en fait, mais je trouve que c'est assez génial comme format. C'est comme une chanson, c'est une... Pas 2-3 minutes, ouais. C'est un coup de poing, quoi. Ouais, c'est ça. Ça fait du bien, je trouve. Ouais, et puis moi, c'est pour ça que je préférais faire ça dans une petite radio locale. Et comme ça, je faisais ça gratos et j'avais pas de compte à rendre, quoi. Personne me disait, oui, alors là, c'est trop, c'est pas assez, ouais, c'est ouais. Machin, c'est trop court, c'est trop long. Elle dit un gros mot à 2 minutes 19. C'est un peu comme à un moment donné, il y avait. La liberté. Oui, Le Fou du Roi avec. Stéphane Bern. Oui, puis il y avait Didier Porte à un moment donné qu'on a fermé. On lui a fermé la porte, c'est pas de dire. Lui, puis son acolyte humoriste, dont j'ai oublié le nom. Il y a eu Pierre-Emmanuel Barré aussi récemment, hein, qui a une chronique qui n'a pas été validée par. France Inter. Il s'est barré. Ben, comme notre ami Gilles Levaillant, qu'on a sorti. Oui, Serge. Serge Levaillant, excuse-moi. Ah ouais. Sous les étoiles, c'est ça, Sous les étoiles? Où je suis jamais passé. Et Serge Levaillant, je l'ai vu une espèce de masterclass, entre guillemets, avec... en fait, c'est un gars qui a créé le... une espèce de boîte de formation qui s'appelait le coach. Ok. Parce qu'il travaillait pour la SACEM et d'autres organismes de perception civile, comme on les appelle. Ouais. Et il s'est rendu compte que des fois, t'as des gars qui arrivaient sur la scène de gros festivals et qui n'avaient pas de métier, quoi. Donc au coach, il y avait des cours de chant, des ateliers d'écriture, des machins, des bidules et des espèces de conférences. Le gars invite Serge Levaillant, donc on est 20 dans l'arrière-salle d'un café. Et puis, ils sont quand même sifflés une ou deux bouteilles de pinard à deux. Oh. Et j'écoute Serge Levaillant parler d'accordéon, parler de la chanson française, avec les R qui roulent et tout. Et on demande s'il y a des questions. Et je dis, oui, alors je suis sûr que je me trompe, hein, Serge, mais à vous écouter, on sent quand même un brin de nostalgie et peut-être même, je sais que je me trompe. Hein. Peut-être même un brin de passéisme. Et il s'est levé et il a fait comme s'il allait me taper dessus. Mais vraiment, il a brandi un poing rageur vers moi. Il m'a pas tapé. Mais je suis jamais passé dans cette émission. Ah oui, ok. Il s'est souvenu. Je sais pas. De toute façon, à l'époque où c'est arrivé, il était déjà sur le déclin. Ça a encore duré un ou deux ans. Mais, mais c'est marrant de pas entendre... Tu vois, si moi je reçois ça, en plus j'étais assez humble, quoi. Je suis sûr que je me trompe, hein, mais quand même, là tu nous parles d'accordéon et de la TSF. Mais c'est vrai que c'est marrant, hein, Philippe Meyer. Moi je suis beaucoup passé chez Philippe Meyer. Ah ouais, c'est bon ça. C'était quoi le titre de son émission dont, La prochaine fois je vous le chante. Oui, la prochaine fois je vous la chante. Il a toujours gardé la même introduction, hein. Ah ouais. Ah ouais, avec des tocades à la fin. Ouais, c'est ça. Ouais. Écoute, il a passé une demi-chanson. Est-ce que ça existe encore? Ben non, justement. Hein? Lui, Philippe Meyer, Serge Levaillant, Isabelle Dordain, qui étaient des grands découvreurs de talent. Ah, mais non, mais là, c'était le pont des artistes. Oui. Mais l'autre était malade, c'est pour ça qu'elle est partie. Oui. Ouais, non, mais ça a été quand même tous les trois quasiment la même année. Ah oui, le pont des artistes, quelle belle émission. Ouais. Oh. Ah, j'écoutais ça en direct. Nous, ça, ça faisait quand même des ouvertures aux, ah oui. aux jeunes talents, aux petits gars comme moi qui venaient d'arriver à Paris, qui voulaient en découdre, genre, bon, comment je fais pour jouer à l'Olympia dans 10 ans maximum, quoi. Ou tu fais comme les Pépettes, là, le groupe qui s'est loué l'Olympia. Oui. Ah oui, si t'as, 40 000 euros, tu peux faire ton anniversaire à l'Olympia, c'est sûr. C'est fou, hein? Ça, faut le remplir. Quoi. Non, mais c'est ça, c'est cher. Comment ça coûte? Moi, j'avais 40 000, je pense que c'est un peu plus maintenant. Non, mais moi, 40 000 euros? Ouais, je pense que c'est plus. Eh, c'est pas cher. On m'avait dit 40 000. C'est pas cher. Ben, 40 000, t'as 2 000 places, tu fais le billet à 10 balles. Ben, c'est plus que 40 000. Ça aussi, tu as 2000 places, tu fais le billet à 10 balles, tu as perdu 20 000. Hein. Non, mais tu dis t'as que intérêt à vendre de la bière. Hein. Oui, mais non, mais c'est au moins, tu dis, si tu as les moyens financiers, tu dis que tu fais l'Olympia sur un CV. C'est ça, tu prends Florent Pagny en première partie. Non, non, non. Non, mais quand tu dis que Brel était là, voyons donc. Hein. Mais c'est ça, moi, à chaque fois, je pense à quand même Bruno Cocatrix, ouais. qui fait venir les Jackson 5, les Beatles et Brel, et il les payait. Je suis sûr qu'il leur payait le billet d'avion, quoi. Ah, bah oui. Ah, bah là, oui. Tu peux le louer. Et en province, mais là, c'est plus eux autres qui contrôlent aussi. C'est pareil maintenant. Ça a été vendu par qui? C'est qui a acheté ça? Bah, je crois que c'est l'infâme. De toute façon, c'est toujours des logiques d'agglomération. Donc c'est 2-3 mecs à Paris qui sont encore dans le spectacle vivant, ça va. Eux ne sont pas trop vivants, mais les spectacles sont plus. Ouais, comment ils s'appellent? Je sais plus. Mais t'as vu, c'est génial, il y a encore les panneaux eau et gaz à tous les étages. Oui, oui, oui, oui. Mais la chanson de Gainsbourg. Ah ouais. Ça, c'est reggae. Tu connais le gaz de Brel? Oui, oui, c'est pour le gaz. Tu as les seins comme oui. le soleil. 20 ans et je rebrousse ma vie. Le plus bel âge de ce calvaire. J'apprends aujourd'hui que je suis à nouveau célibataire. À nouveau célibataire, à nouveau. Bah terrien parmi les terriens. Terrien parmi les terriens. À la rigueur t'es qu'un requin. Parmi les requins. Parmi les requins. Parmi les requins. 15 ans et je rebrousse ma vie. Me voilà à peine pubère. À considérer les premiers plis des cavalières. Des cavalières. Des cavalières. Liérant parmi les plébiscites, dans les erreurs des premières prémices. Allez, c'est quand même beau l'école de la vie, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en dise. En 10 ans, je rebrousse ma vie, j'arrête de sucer mon pouce. J'explore toutes mes envies, même celles qui me fichent la frousse, même celles qui me fichent la frousse, même celles. La frousse des plus rouillerousses. Dans la fouille des plus fous théâtres. De strapontin en traversin. En traversin. En travers. Vers environ 5 ans et je rebrousse ma vie. Les pieds à la tête. C'est que me voilà déjà tout petit. À dire j'ai pas d'arrête. À dire j'ai pas d'arrête. À dire j'ai pas. J'ai pas d'arrêt de m'enfermer dans ma chambre, de me dire ce que je dois faire, de me donner des ordres tout le temps. Je veux aller jouer dehors avec mes copains, de toute façon t'y feras rien. De toute façon je suis bien que dehors, dans le vacarme, dans le vacarme, dans le vacarme. Me voilà spermatozoïde, éclassé dans le pool d'arrivée. C'est que ce labyrinthe ovoïde est un hippodrome doré, est un hippodrome doré, est un hippodrome. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, il y a même une chorale là-haut qui joue du Django en pizzicato accompagné d'une diva énorme. Et nom de Dieu, mais je rêve ou quoi? Mais tout est en or, mais tout est en or, et tout, absolument tout, tout est en or, je ne m'arrête pas. Je rebrousse ma vie à contre-courant et me voilà au paradis des enfants. Et là, pas plus de faux que de flammes, pas plus de barbe blanche que de queue. Y a juste le temps qui prend son temps et le ciel un peu plus bleu, tout simplement plus bleu, tout humblement plus bleu. Mais le, mais moi c'est quand tu fais le ah c'est. Ah oui, je connais. C'est vrai que c'est la seule fois dans toute l'histoire de la chanson qu'on fait traîner une console. Ouais, mais il dit aussi, hein, il n'y a plus personne qui a cet accent-là, sauf Brel à la télévision. C'est vrai qu'il avait beaucoup d'autodérision. Ah si, bon, oui, oui, oui. Et puis, il y en a qui crachent encore sur Brel, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Ah oui, c'est un misogyne. Mais c'est ça, souvent les gens parlent de misogynie. Et, sous, et ben moi, à ce moment-là, je dis, en fait, tu sais, Voltaire, il était antisémite, parce qu'à l'époque, tout le monde était antisémite. Hein. Non, mais il faut arrêter de... C'est comme si de reprocher à un nazi d'être antisémite. Enfin, oui, ouais. Mais non, mais en même temps, comme si quelqu'un, OK, quelqu'un qu'on... Ben, on vénère pas, mais qu'on respecte ou qu'on aime bien, doit toujours avoir quelque chose de pas correct. De pas politiquement correct. Non, mais ça n'a aucun sens. De subversif. Oui, c'est ça, ben oui. Et c'est sûr que Ferré était Ferré, pas un gars facile. Brel était Brel, puis Souchon aussi. C'est cette interview de Brel où il dit que la femme veut qu'on lui ponde un œuf. Oui, oui, oui. Ouais, c'est ouais. Génial. Et hey, puis moi, ce qui m'a fait rire, tu sais... Il dit c'est sociétal. C'est-à-dire, c'est pas la faute de Brel ou quoi que ce soit, c'est, dire, c'est comme ça. Éduquons nos filles différemment, et puis et nos garçons. Tu sais, l'histoire de la radio à RTL, où il y avait Brel, Brassens, puis Ferré, puis quand ils ont voulu... Ça me fait halluciner. Pourquoi essayer de recréer ce qui a déjà été créé? Ils ont fait la même chose avec... qui donc? Il y avait... Goldman, Cabrel, Souchon... Non, il y en avait juste trois. Non, il y en avait quatre. Il y avait Paul Simon aussi. Bon, Paul... Non, pas Paul Simon. Paul Simon, c'est qui ça, Paul Simon? Non, je confonds. Non, il y en avait juste trois. Mais non, Émilie, mais non, c'était juste des hommes. Émilie Jolie, non. Non, trois personnes. Non, ils voulaient juste... C'est sûr, il y en avait quatre. Il y avait Souchon, Cabrel, Goldman... Ça s'arrête là. Ils voulaient faire recréer les trois, ils n'en ont pas pris un quatrième. Si, parce qu'ils ont, dû trouver un consensus mou. Mais peu importe, voyons donc. Simon. On se foutait des questions, c'était pas Brel, Brassens puis Ferré. Ben, j'ai un copain il n'y a pas longtemps qui m'a dit de toute façon rien n'est sorti de cette rencontre. Brel, Brassens, Ferré. Moi j'ai trouvé le texte original sur internet, enfin, le texte où tout s'est dit. Non mais je l'ai moi, j'ai la copie audio. J'ai trouvé l'enregistrement même. Ouais. Oui, audio, ben oui. Et les mecs faisaient la gueule à part Ferré qui était là. Putain les gars, on va se faire tous les stades de France, tous les trois, youpi. Et on va picoler du bon pinard. Et on va défourailler tout ce qui nous tombe sous la main, comme on fait de façon séparément. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire par là que ça n'a pas été ce que ça... Ben, on s'attendait à une explosion de machin. Moi, le souvenir que j'en ai, c'est que je trouve Brel et Brassens très froids. Son Brel, il était déjà de l'autre côté, il avait sa coupe à la Don Quichotte, il avait arrêté de chanter, il était sur l'homme de la Mancha. Ouais. Tu sais, c'est pour ça qu'il a cette coupe improbable sur la photo. Ouais. Mais personne ne se pose la question, où est Jacques Desange? Où est Jean-Louis David à l'époque? Pourquoi Brel est coiffé comme ça? Et je trouve que Brassens, tu sens qu'ils sont déjà... Il n'y a qu'une chose sur laquelle ils sont d'accord et qui est magnifique. Ils sont déjà quoi? Bah, sur le retour, je ne sais pas comment dire. Je pense que Brel était déjà malade en plus. Ou alors pas loin. Fatigué. Il y avait forcément une espèce de compète entre eux, tu vois, de rivalité. Je sais pas comment dire. Ben parce qu'ils ont pas du tout le même style. Ben ça c'est oui, mais là on a 50 ans de recul, quoi. Non, mais je crois que le public de Brassens, c'est pas le public de Ferré. Le public de Ferré, c'est pas le public de Brel. J'espère, mais tu sais ce que disait Jean. Ce que se dit Jean-Louis Murat, c'est mon public. Moi, quand je vois mon public, je vais au concert des autres, ils sont tous là aussi, mon public. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a une chose intéressante. Il y a vraiment quelque chose qui m'a marqué, en tout cas, qui ressort de ce triumvirat, comme dirait un latiniste, de cette réunion au sommet, c'est que Enfin, moi, je le ressens vraiment dans ma chair. C'est qu'à chaque fois que tu écris une chanson, tu as l'impression que c'est la dernière. Ouais. Tu sais pas comment tu vas remettre ton titre en jeu après. Tu sais pas. Je sais pas du tout. Tu as vraiment l'impression que. Puis, c'est la dernière. Est-ce que tu te rappelles de quel artiste on a parlé d'un artiste. Ces trois-là, on parlait du même artiste sans qu'il soit là. C'était le créateur qui allait devenir quelqu'un d'extraordinaire. Non, je me souviens pas. Gainsbourg. On évoque Gainsbourg. Ah, oui. On évoque Gainsbourg. Ah ben c'est là que Ferré parle de l'érotomane. Oui, exactement. Et ce qui est drôle, c'est qu'il se trompe. C'est-à-dire que pourtant Ferré, il connaissait deux, trois mots. Ça veut pas dire ça, érotomane. Un érotomane, c'est pas quelqu'un qui manie l'érotisme de façon virtuose. Un érotomane, c'est quelqu'un qui est amoureux de quelqu'un. En tout cas, ça veut pas dire ça. Quelqu'un qui est amoureux de quelqu'un? Ben, sans s'en rendre compte. Ah, ok. Ok, c'est. Comment dire? Ah, faudrait vérifier. Quelque chose qui est. Qui est refoulé. Oui. Oui, c'est vrai cette histoire sur Gainsbourg. Ben oui. Puis il venait de sortir, je crois bien, Mélodie Nelson. Ah ouais. Parce que c'était en quelle année, ça? Brel est mort en... Brel Brassens. À 77. Oui, 77. À peu près au même moment que François Truffaut. Truffaut est mort en 76, 77. Hey, est-ce que tu te souviens le film de François Truffaut avec des enfants qui s'appelait... En tout cas, il n'y a pas marqué sur la plus, mais qu'elle va bien. Eh merde. Tu connais-tu un peu l'univers de François Truffaut? Oui. OK. Tu sais, celui où il fait jouer des enfants, là... pas l'enfant sauvage, parce que ça, c'est un enfant. Puis en tout cas, il y a la cascade où l'enfant tombe d'une fenêtre. Puis c'est mal fait. C'est mal fait. Ah, tu le vois. Ouais. On voit les deux mains qui... Ah, tu... Je disais, comment ça qu'ils ont gardé ça? C'est fou. Comment ça qu'ils ont gardé ça? Ah oui? J'en reviens pas. Au montage, il devait halluciner. Quand tu as vu le... Non, mais voyons... C'est pour ça qu'il faut monter ces films. Ben c'est, non, mais il aurait pu dire au monteur, ben écoute, recommencer, parce que... Ben peut-être que si la scène était déjà faite, il n'aurait pas pu recommencer la scène, tu sais, ça coûte cher, là. Mais c'était gros. Ça m'a déçu un peu. Et là, t'es là pour combien de temps? Je m'en vais mardi. Ouais. Mardi. Tu restes quoi, une semaine? Là, 10 jours. Je devais rester moins longtemps, mais bon. Ça me coûtait... Non, mais en fait, pourquoi je revenais cette journée-là, non? Combien ça te coûte, le billet, là? Ça coûte pas plus cher, ça coûte juste 150$ de plus, donc ça m'a coûté 1002. 1002. En le prenant bien à l'avance? Avant l'augmentation de l'essence. Ah oui. Parce que c'est un peu plus cher, là, aujourd'hui. Ouais. Mais ça me coûtait 1000 avant. Puis je choisis mon siège. J'aurais pu prendre. Ça aurait pu me coûter 950. Mm-hmm. Mais je préfère choisir mon siège. Il voyage toujours en première. Non, pas du tout. Non. Non. C'est Marseille, ça aussi. Non. Non, c'est pas Marseille, ça. Non. Non, c'est le blues de Businessman qui est chanté par Claude Dubois. Ah oui, mais il y a aussi une J'aurais chanson... J'aurais voulu être un artiste... Ah oui, une chanson qui a été reprise par Bachung, là. Ah non, il voyage toujours en solitaire. Ah oui, c'est la même chose. Ça, c'est Gérard Massé, ouais. Ouais, ça... Thank you. Tu te demandes si je t'idéalise, alors que dès que tu passes sous ma fenêtre, tombe une neige d'été vers les nuées grises qui instantanéisent mon bien-être. Tu te demandes si je t'idéalise quand tes courbes m'évoquent les hauteurs ou le clocher d'une église et que tu tiens la barre de mes humeurs. Mais ton corps est celui d'une femme, voyons, et non d'une nymphe grecque. Ton esprit tout comme ton âme ont leurs imperfections intrinsèques. Tu te demandes si je t'idéalise ou si, avec la lune, ton charme rivalise en rayon taciturne. Tu te demandes si je t'idéalise quand je me bats ongles et bec pour te garder sur la banquise et non sur un piédestal de tec. Mais tes clochettes sont celles d'une femme, voyons, et non d'une fée ou d'une elfe. Tes ailes et tes cheveux de flamme sont choses communes à Delphes. Tu te demandes si je t'idéalise quand le soleil se couche avec tes iris et que les étoiles sont tes balises qui me guident parmi les abysses. Tu te demandes si je t'idéalise, je te réponds d'un signe de tête. Non, mais n'est-ce pas avec un semblant de maîtrise le propre et le commun d'un esthète. Tes yeux sont ceux d'une femme, voyons, et non un océan blême où mes désirs se pâment. Et je t'aime comme t'aime. Et je t'aime comme t'aime. Et je t'aime comme t'aime. Oh oh, et moi je t'aime avec tes ailes. Ouais. Ah là là, Paris, c'est... Va à la pharmacie quand je paye. À Paris, j'ai l'impression que c'est le printemps toute l'année. Quoi. Ah oui. Ah ouais, les filles sont jolies. Ah oui, oui, oui. À Nancy, il n'y a pas tant de... Tout le monde te connaît? Non. Non? C'est une ville de combien d'habitants? 100 000. 100 000, ah oui. Non, parce que moi, j'ai pas mal déménagé quand même. Et puis, quand je suis parti... J'habitais pas Nancy même quand j'habitais en Lorraine avant de venir à Paris. Et puis de toute façon je suis arrivé à Nancy, j'ai eu mon deuxième enfant, donc je sortais pas tous les soirs me faire des copains. Faire la fête. Habites-tu dans une maison ou Là-bas en Bosch. Eh ben j'habite dans un appartement et je suis en train d'acheter une maison. Ah oui? Avec beaucoup de terrain, j'espère. Oh là là là, il y a 900 mètres carrés de terrain. C'est, mais qu'est-ce que tu veux dire par je suis en train de comment ça. Ben, tu économises, c'est ça? Non, c'est que ben, c'est un peu long. C'est long, hein, ouais? Ben, non, mais techniquement, on l'a visité en décembre. Eh oui, ok. On a signé le compromis en février. Le compromis, ok. Et là, ouais, je trouve ça un peu long. Là. Mais le compromis, qu'est-ce que ça veut dire, un compromis? C'est que vous allez vous entendre sur des trucs? Ouais, ben en fait, tu signes un compromis et tu as le droit de te rétracter l'une ou l'autre partie pendant 15 jours. Mais là, c'est terminé, ça fait longtemps, là? Ouais. Donc, nous, on a les clés depuis le 30 mai. OK, tu as accès, là, c'est à toi. Ouais, c'est à moi. J'ai déjà fait un potager. Mais tu y habites pas? J'ai acheté un olivier. Non, j'y habite pas. Mais voyons donc. Et il faut couper l'enregistrement, parce que là, je vais dire du mal de ma femme, et j'aime pour ça. Non, mais tu payes en plus un autre appartement qui sert à rien. Ouais, parce qu'il est en vente, et... Ah, non, tu le vends? Ça se loue pas, toi? Si, on pourrait le louer, mais on a envie de s'en débarrasser. OK, c'est à vous autres, vous l'avez acheté, ouais, l'appartement? Ouais, on l'a acheté. Enfin, Ici, chez nous, on peut pas... Ici, c'était chez moi. Mais à Québec, on peut pas acheter un appartement. Ah ouais, pourquoi? Non, ça se loue, c'est en location. Puis tout le monde déménage au mois de juillet, le 1er juillet. Mais tu payes à qui alors? Au propriétaire. À l'État? Non, au propriétaire. Le propriétaire, il lui appartient quand même. Oui, mais exemple... C'est trop cher, tu veux dire? Non. Tu peux acheter un immeuble, OK? Un 6 appartements, par exemple. OK? Ah oui. Tu peux. Mais règle générale, c'est des gens qui achètent des immeubles, un particulier. Comme toi, tu peux acheter l'immeuble, disons... Oui, mais tu n'achètes pas un appart, tu achètes un immeuble. Oui, et je te paye à toi parce que c'est toi qui me loues l'immeuble. En fait, tu me loues l'appartement de l'immeuble. Ouais. Voilà, c'est ça. Ah, incroyable. Mais on n'achète pas. Mais pourquoi le 1er juillet, tu es obligé de déménager tous les 1er juillet, non? Ben, si tu le fais, ben, 85% des gens déménagent le 1er juillet. C'est comme ça, c'est un consensus, c'est unique au monde. Mais depuis quelques années, il y a de la rareté au niveau des appartements à bon marché. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, c'est tous des condos. Ils refont des vieux appartements en condos. Les gens n'ont pas d'argent d'acheter des fois. Ils construisent des condos. Les condos qu'ils ont construits il y a un an ne sont même pas encore vendus. Des condos, c'est un appartement là que tu peux acheter, ouais. OK, luxueux, OK, tout est payé. Donc, s'il y a l'ampoule qui brûle dans ton corridor, il vient changer. Puis le gazon, c'est eux qui payent pour l'entretenir du gazon. Donc, tout est payé, mm-hmm. Mais toi, tu achètes juste l'appartement. D'accord. Mais ça coûte tellement cher, puis très souvent, là, c'est des nouveautés, ça vient d'être construit. Mm-hmm. Mais là, ils en construisent, puis même pas encore loués, qu'ils en refont d'autres qui ne sont pas encore loués. D'accord. Fait que là, on se retrouve avec des appartements qui coûtent très cher, qui ne peuvent pas être loués parce que les gens n'ont pas les moyens financiers. Ben, surtout. Puis là, les HLM, il y en a de moins en moins. Là. Ouais. Non, c'est parce qu'on fait des travaux dans cette maison, on voudrait que ce soit propre. Ouais. On a emménagé beaucoup trop vite dans l'appartement où on est, là, on n'a pas pris le temps de rêver les travaux. Mais là, vous voulez peinturer, c'est ça? Ouais, on fait un peu de peinture, on a pété un mur pour faire un dressing. Ok. Et une salle de lavage chez nous. Voilà, une salle de lavage. un placard, quoi. Un placard. Non, mais avec laveuse sécheuse, là. Non, avec juste un placard pour ranger les chaussures et les... Ah, ça, ah nous autres, on appelle ça... Ah, mais ça c'est plutôt armoire. Avec une garde-robe, une garde-robe. Une garde-robe. Une garde-robe. Mais ça garde autre chose que des robes. Mais c'est un peu quétaine. Oui, c'est quétaine, oui, ouais, garde-robe, oui, en France surtout, oui. Ouais. Et voilà, et... Donc on a un camion de déménageurs qui vient pour la première fois de notre grande carrière de voyageur. Parce que sinon, le 1er août. Ah. Et là, mais c'est... Ah, mais c'est à la fin du mois. Ouais, c'est génial. Mais moi j'en peux plus, j'ai juste envie de faire des cartons et de... Mais tu m'as dit que tu voulais rénover avant. Ouais, mais là on est en plein travaux, là, la okay. Peinture est presque finie. Ah, c'est pour ça que là, toi tu t'en vas, là, puis tu vas travailler là-dessus, là. Ouais. Ok, je comprends, ok. Et non, c'est... Et puis le terrain est... Incroyable, en fait c'est incroyable parce que les gens à qui on achète avec ma compagne ouais, c'est qui, ces gens-là étaient, elle est malvoyante et lui est aveugle, donc okay. Il ne pouvait pas s'occuper du jardin. Ah ouais. Et donc il confiait le jardin à des voisins qui faisaient ce qu'ils pouvaient avec le peu de temps qu'ils avaient, avec le peu de moyens que les propriétaires leur donnaient. Ouais. Donc par exemple, il y a 4 bidons de 200 litres qui font récupérateur d'eau, parce qu'évidemment au fond du jardin il y a des dépendances, n'est-ce pas? Il y a des? Des dépendances, ah, ouais. Des cabanons, quoi, ah, ouais. C'est ma ouais. Cabane ah, ouais. Canada, au Canada, quoi. Ouais. Et qui d'ailleurs, qui croulent, qui ont... Tu veux leur construire? Qui sont dans un état... Ouais, j'aimerais bien être meilleur maçon, ouais. Non mais tu vois, ça tient, il y a quand même 800 litres d'eau. Faut pas trop la regarder. Qui se remplit, ça. Sinon ça va tomber, on la regarde mais... Tu vois, le toit tient parce qu'il remplit les récupérateurs d'eau, ce qui est quand même un signe. Ouais. Mais il y a un ancien puits, j'essaie okay. De rénover le puits là. Par exemple, j'ai enfin trouvé un clapet anti-retour. Ouais. Tu sais, ce qui fait que le lourd ne monte oui. Pas, tu vois, c'est hallucinant, c'est un joint avec un truc au milieu. Oui, oui. Et ça, je l'ai trouvé d'origine. Il n'y a plus qu'une entreprise qui fait ça en France. Ils sont à Avignon, comme par hasard. Et ils sont trois. Et à mon avis, ils ne vont pas tenir longtemps. Mais ça coûte 120 euros. Après moi, je vais le faire dans une vieille chambre à air de... Logique. Tu vas le faire manuel. Tu vas le faire de manière artisanale. Et j'ai trouvé le piston. Parce qu'avant, c'était des joints en cuir. C'était vraiment hallucinant. Et tu te dis, putain, t'as des récupérateurs d'eau, tu fais un potager, si le puits, j'arrive à le réparer, putain, t'es autosuffisant, quoi. Ouais. Avec 900 mètres carrés, il faudrait faire la moitié de jardin, quoi, de potager. Et donc, bah, derrière le puits, c'est la forêt de Sherwood, quoi. T'as que des ronces, t'as que... Ouais. Et d'ailleurs, c'est quand même génial, parce que le site pour éradiquer cette bête, je l'ai trouvé, c'est un site canadien. il y avait énormément de Québécois de ou canadiens? Canadiens. Okay. Mais en France, donc Québécois, ça. Ah, Québécois, c'est Québécois. Il y avait énormément de berces géantes du Coq 14. Oui. Qui apparemment, il doit y en avoir beaucoup au Québec ou au Canada. C'est hyper invasif. Donc le premier truc que j'ai fait, dès que j'ai eu les clés, j'ai fait dézinguer la berce. Ouais. Parce qu'au début, je suis arrivé, j'ai fait « Putain, il y a de la rhubarbe partout, mon amour, on va faire des tartes à foison. » Mais pas du tout, c'est de la berce géante du Coq 14. Ça se mange pas? Non. Alors j'ai appris qu'il y avait sa cousine Germine, sa petite cousine, elle peut se cuisiner, la berce... La berceuse. La berceuse. La berce laineuse, berceuse. Ouais, la berce laineuse, mais ça fait berceuse. Et tout est comme ça, quoi. Et tu vois, c'est génial parce que c'est pas un jardin à l'anglaise, tu vois, au cordeau. Ouais. Et on n'a pas du tout envie que ce soit comme ça. De toute façon, tu laisses ta peau, hein, tu vois. Rien que tout ce qu'il y a à tailler. Mais est-ce que tu te considères un manuel ou si t'en rames un peu? Bah quand je m'y mets, ouais, après j'ai pas du tout la formation ou les connaissances. Ok. Mais moi j'aimerais bien faire de la maçonnerie, faire de l'électricité. Ouais. Après à un moment tu peux pas tout faire et puis non, je me prétends pas manuel. Mais tu veux que les professionnels s'en occupent ou si c'est toi? Parce que ça coûte cher, c'est un professionnel ça. Ben c'est vrai que ça coûte très très cher. Et là, tu t'en vas vivre dans une maison avec un terrain. Mais ouais, mais tu sais qu'il y a plein de moments où je culpabilise par rapport à mes amis artistes ou qui n'ont pas les moyens ou qui s'en donnent pas les moyens. Ouais. Et là, je me dis, putain, mon coco, ta première brouette, ton premier tuyau d'arrosage, ta première maison à 45 ans. C'est bon. Ça va, mes parents, ils ont eu leur maison, ils n'avaient pas 30 ans. Ouais. Ils ont fini de la rembourser il y a 10 ans. Et toi, c'est sur 25 ans, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Et la culpabilité, ça va, quoi. On appelle ça de l'hypothèque. Vous aussi, c'est l'hypothèque? Non. Non, non, je crois que l'hypothèque, c'est pas... Nous, l'hypothèque, c'est vraiment quand... Mano Solo, il avait hypothéqué sa maison quand il a autoproduit son album. OK, ouais. OK. Ouais. C'est-à-dire que bah, si tu rembourses pas, ta maison, ils la prennent. C'est ça, ouais. Ne te méfie pas de mes mots. Oh oh oh, ma mot. Ils te seront purs comme l'esprit. I i i, mamie. Chaque verre aiguillera tes pas. Ah ah ah, mama. Vers l'absolu, le royaume des nus. U u u, mamu. Et tu causeras aussi avec le vent, maman. Donc, je sais pas si ça a la même définition. Non. Ah, mais c'est bien avoir une maison, mais là... Ah, mais on a une chance de malade. As-tu déjà un chien ou si t'en veux un? Oh là là, mais alors ça, c'est ma grande question, ça. Quoi, t'en as pas? Tu sais, ma femme, elle vient de devenir directrice d'un énorme théâtre et ça lui va bien. Ah. Ma femme, c'est une... Ah oui, comédienne. Ouais, comédienne, metteuse en scène et... Ah, tu pourrais me faire dire metteuse en scène que metteur, là? Ouais. Ah oui. Comme auteur, puis c'est quoi, non? Autrice. Autrice, quelle épouvantable autrice. Ben ouais, c'est pas beau, mais si tu dis auteureux, tu l'entends pas. Bah. Tu dis une auteure. Une auteure, c'est pas beau, non? Moi, je préfère une autrice. Ah ouais. Ouais, c'est comme ça, il faut s'y faire. Hein. Bon. Brigitte Fontaine a monté sur ses grands chevaux. On veut qu'elle continue à faire la dessin sans trop faire chier. Non, mais Brigitte Fontaine nous a insultés parce qu'on trouvait des... On féminisait tout, puis c'était épouvantable. Mais bon, elle a raison, peut-être. Parce que c'est Brigitte Fontaine. Ouais, tu sais, moi, c'est vrai que ça me faisait bizarre, mais j'ai appris que c'était un des chevals de bataille de Benoît de Groult. Il s'appelait Benoît parce que ses parents voulaient un fils, et c'est la première à s'appeler Benoît. Il en reste un, pas compliqué. Et elle a été, quand Mitterrand l'a fait chevalier de la Légion d'honneur, ou chevalier des arts et des lettres, ou commandant des arts et des lettres, elle a pas voulu la médaille parce que c'était marqué commandant. Ok. Elle veut que ce soit marqué commandante ou chevalière, elle a fait chier Mitterrand jusqu'au bout. À la raison. Ben, je crois que ça passe par là. Puis est-ce qu'elle a gagné? Ben ouais. Bien, parfait, ça. J'ai un livre qui s'appelle Le Zizi des mots. Ok. C'est génial où il n'y a rien. C'est un chevalier, une chevalière. Un marquis, une marquise. Un plombier, une plombière. Et en fait, tu vois que au masculin, c'est jamais péjoratif. Ça appartient jamais à la cuisine ou au jardin. Ou c'est toujours un chevalier, une chevalière. Ouais. Et il y en a plein comme ça qui sont assez géniaux. Un chauffeur, une chauffeuse. Non, nous autres, c'est chauffeur. Il y en a des géniaux, mais c'est quoi sur la bagnole, merde? Mais c'est officialisé, là, ça, c'est dans la langue française, c'est dans le dictionnaire? Ou si c'est juste un essai? Autrice et tout ça, tu veux dire? Non, mais ce que tu viens de dire, le livre, là, le zizi des... C'est un vrai livre qui est paru, après... c'est intéressant. Non, mais est-ce que ça a été authentifié? Est-ce que c'est dans le dictionnaire? Les mots qui sont indiqués sont dans le dictionnaire? Oui, c'est des vrais mots qui existent tous. Ok, parfait. Mais c'est assez troublant parce que c'est juste des dessins. Le gars explique pas du tout. Aussi, il y a une espèce de préface, mais il explique pas pourquoi on dit un chevalier, c'est hyper viril, et une chevalière. Ouais, mais en fait, c'était juste pour le sexe des mots. C'était pas pour expliquer, parce que là, ça demande plus de travail. Ouais. Mais tu vois, là, c'est un autre de peaufiner le travail, d'aller plus loin. Ouais. Et donc, le chien, moi je rêve d'en avoir un depuis longtemps. Quelle sorte? Peu importe, j'aimerais bien un corgneau, un bâtard, un croisé. Oui. Un petit, un gros? Ouais, j'aimerais même pas trop petit. Ok. Mais c'est beaucoup plus facile de trouver un chien à 2000 euros qui est loffé, comme on dit maintenant. Loffé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement c'est par exemple un border collé, mais il est authentifié comme tel. C'est-à-dire que tu peux avoir un border collé dont les deux parents sont border collie, mais si il n'est pas authentifié, parce qu'évidemment, comme le bio, tu vas donner 2000 euros à un mec qui s'y connaît autant en couscous que toi et moi, ou en chien, on s'entend un business, je pense. Mais moi, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un marché des croisements vertueux. Tu vois, je dis n'importe quoi, mais un labrador et un berger allemand. Comme on appelle ça un croisé. Ouais. Comme moi, j'ai un Yorkshire croisé caniche. Ah ouais. Non, j'aimerais bien, mais je sens que c'est quand même beaucoup moi qui vais m'en occuper, comme les enfants. Non, mais pourquoi tu prends pas le pitou que l'on va euthanasier? Pourquoi tu ris? Tu vois, l'SPCA, tu prends le toutou qui va être euthanasié. Ouais. C'est beaucoup plus humaniste. Ouais, non, mais j'ai toujours peur que les chiens de la SPA, ils aient vécu des sales trucs et que... ils te le disent, voyons donc, puis tu vas vers le chien, tu le sais. Ouais. C'est lui qui te sent, puis vous c'est le sentez. Vrai. C'est vrai. C'est beaucoup plus humaniste, je trouve. Non, mais parce que lui, il a une sale vie. Si tu peux lui rendre la fin de sa vie intéressante. En fait, ça fait deux mois que j'essaye de me transposer dans chaque situation avec un chien et je trouve que ça complique tout, quoi. Oh, je connais une fille, moi, qui est chanteuse, qui est Rosie, Rosie-Marie, qui travaille avec des artistes, qui branche d'autres artistes sur scène, qui travaille aussi sur sa carrière et qui, depuis deux ans, s'occupe des chiens parce que c'est une fille qui avoue un petit pitou, elle ne peut pas le laisser comme ça. Et puis, elle les place un peu partout. Fait que je vais t'envoyer son lien. Ça serait bien. Parfait. Puis elle les a chez elle. Fait qu'elle sait déjà le comportement du pitou. Mm. OK, s'il est agressif, s'il est peureux. Non, mais s'il est peureux, c'est... Ah oui, un pitou. Et s'il est cajoleur, c'est... elle te le dresse, puis... elle te le dresse pas, lui, mais elle te dit un peu là, son profil psychologique. Puis tu peux dire, s'il est trop violent pour les enfants, pour tes enfants sont grands, ils sont pas... Ils ont 11 et 6 c'est ans. Ça. C'est grand, 6 ans. Ouais. Tu sais, ils ont pas 8-9 mois, là. Lui, il a deux chevaux, ça fait 3 fois qu'elle passe, quoi. Ben, elle veut son montrer. Bleu, blanc, rouge. C'est ça, oui. Je vais y aller, Rénal. Ah, mais moi aussi, d'ailleurs. Mais ça a été super. Mais on va dire à la revoyure pour couper devant nos amis. C'est passé très vite. Ouais. À la revoyure. À la revoyure. Hey, on sentait même pas qu'il y avait un micro. Hein? Allez, non. Mais il est propre, c'est pour ça qu'on sentait. Ta moumoute. Ouais, c'est ça, oui. Méchate. Méchate. Mais ça ne me déplaît pas. Tu me travestirais en femme, que je resterai planté là. Tu me dis qu'embailler, Tu me dis qu'on te plaire. Tu me dis quand je dois parler et comment je dois me taire. Oh ma pig Marion. Tolérance, puis tu forces la cadence. Tu forces mon élégance. Je m'efforce d'être dans la danse. Tu forces ma tolérance quand je n'ai que misanthropie. Tu forces mon assurance même quand je n'ai rien compris. Oh ma Pygmalion, je suis influençable, ma Pygmalion. Tout ce qu'il y a de plus malléable, ma Pygmalion. Je suis si vulnérable, ma Pygmalion. Lève-toi, je suis incassable, même quand tu me sculptes corps et âme. Et ça ne me déplaît pas donc ça. Tu me travestirais en femme, que je resterai planté là. Et là, comme un gros chat. Chers amis, si. Si je vous. Si je vous ai bien compris, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.